Dans la forêt du bois joli, il y avait une bergère qui gardait ses jolis blonds moutons dans la verte fougère. Par là passa un méchant loup, ayant la gueule ouverte. Il lui a pris le plus beau de ses moutons, le prend et lui emmène. Vint à passer un cavalier, ayant un épée claire. Il fit trois fois le tour du bois, son mouton lui ramène. Mon bon monsieur, je vous remercie de toutes vos peines. Quand nous touserons ce joli blanc mouton, vous en aurez la laine. Je ne suis point marchand d'habits, ni trafiqueur de laine. J'estimerais mieux un doux baiser de vous pour adoucir mes peines. Mon bon monsieur, cela ne se peut, ma mère est aux écoutes. Elle est là-bas, là-bas dans ses vallons, elle nous verrait sans doute. Petite sotte, vous mentez, la couleur vous change. Et l'on voit dans vos jolis yeux que l'amour vous tourmente.